Entrez, entrez, installez-vous messieurs, dames. Admirez les spécimens tombés sous le charme. Des hyènes de Neuilly, pleines de haine et de âme. Des éléphants qui se dressent, veulent qu'on les acclame. Les singes savants et leurs recettes de tisane. Visez les ânes de l'extrême, cracheurs de flammes. Les joueurs de pipo qui connaissent par toutes les gammes. Jouent la complainte du prolo pour faire vibrer le profane. En spectacle à chaque instant, ils font tout pour nous plaire. Ils s'avèrent être compétents pour nous la faire à l'envers. Politique à circus, un pour tous, tous pourris. C'est la parade des sagus. Les hommes politiques sont marrants. Ça doit être un métier difficile, s'il vous plaît. Sauf clown triste et auguste. Ils se pavanent loin de là où se joue le drame. À l'assemblée, on se soucie peu des quidam. À l'abri, bien au chaud, ils ont tous les sésames. Ignorant ce qui se trame sur le macadam. Détaché du monde réel, tout est gratuit, même le champagne. Indécent, sachant ce qu'ils gagnent. Magouille à gogo et financement des campagnes. La justice tourne le dos, on prend pour des ânes. Ils veulent le beurre, l'argent et se taper la crémière. Leur sourire est ma diamant, n'étouffe pas les affaires. Politique à circus, un pour tous, tous pourris. C'est la parade des sagus. Les hommes politiques sont marrants. Politique à circus, ça doit être un métier difficile, s'il vous plaît. Sauf clown triste et auguste. Française, français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Les hommes politiques qui se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, il leur faudra le budget des États-Unis. J'ai l'impression les ministres c'est comme les trous dans le gruyère, vous voyez. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Et puis plus il y a de trous, ben moins il y a de gruyère. Je vous demande de vous arrêter. De vous arrêter. Politique à circus, un pour tous, tous pourris. C'est la parade des sagus. Les hommes politiques sont marrants. Politique à circus, ça doit être un métier difficile, s'il vous plaît. Sauf clown triste et